Piste 12. Phonétique. Exercice 1. La France. Le cinéma. L'office de tourisme. À plus tard. L'art. Ça va ? Ça va bien. Vous allez bien ? Bonne nuit.